de l'importance de rester attentif à la notion de résistance à l'heure actuelle, face à des oppressions dont le discernement s'avère de plus en plus difficile. Bonne écoute. Une chanson, fruit de la mémoire, aussi légère que les graines de pissenlit, fruit du souffle des hommes, libre, vient s'immiscer en nous. Une chanson qui fut plusieurs. Chanson de partisans, chanson enfantine avec pour titre La Bevanda Sonifera, la boisson somnifère, chanson de Mondine, Les ouvrières dans les rizières, chanson d'amour dramatique, sous le titre de Fior di Tomba, fleur de tombe. Un souffle qui voyage et ne se laisse pas saisir. Au sujet de Bella Ciao, quelqu'un m'a dit « Il y a du sang et des morts derrière ces paroles. » Bruno Ducoli, président du Centre européen de rencontres et de ressourcement de Garniano, Lombardie, Italie. C'est vraisemblablement un texte que personne n'a écrit comme ça. Il a grandi à travers différentes rajoutes, différentes modifications. Un peu comme les grands poèmes de l'Antiquité. L'Iliade n'a pas été écrite comme ça, elle s'est modifiée, et la Bible, ça c'est des textes sans auteur en fait. Je crois que c'est comme ça. Cesare Bermani, ethnomusicologue à Orta, Lombardie. La me nonna, le vecchierella, la me fa ciao, la me dis ciao, la me fa ciao, ciao, ciao. E la me manda la fontanella a tor acqua per desinar. À peu près. À peu près. Avec le mouvement des mains. La me fa ciao, la me dis ciao, la me dis ciao, ciao, ciao. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la chanson du partisan. Non. C'est un peu comme l'origine de l'homme. Hein? On ne descend pas du singe, mais on est cousin. C'est des chansons. Exactement, exactement. Exactement. Je savais qu'on chantait Bella Ciao en russe parce que j'ai rencontré une travailleuse volontaire en Germanie qui avait entendu chanter Bella Ciao dans une chambre de concentration. En 44. Mais j'ai aussi entendu des versions israéliennes, des kurdes, et puis chinois. Chinoise. Aussi chinois, et aussi dans l'Amérique latine. Elle est très, très, très, très connue, enfin. Le matin à peine levé, Bella Ciao. Le matin à peine levé, je dois aller à la rizière. Et au milieu des insectes et des moustiques, je dois faire un dur travail. Le chef debout avec son bâton. Bella Ciao. Le chef debout avec son bâton. Bella Ciao, Bella Ciao. Au fur et à mesure que j'avance dans ce voyage avec ma famille, puisqu'on voyage en famille, je me dis que c'est une chanson magique. Je viens d'Alfonsine, où j'ai rencontré des partisans qui m'ont parlé de la chanson et qui m'ont dit « Mais il se pourrait que cette chanson ait une origine slave. J'arrive ici dans ce couvent, San Tommaso, puis vous me parlez de la chanson en russe. Et vous la chantonnez. Un petit peu. Padre Fiorenzo Peati, au couvent San Tommaso. Donc, mon père était partisan. Mon père, il est déjà mort, oui, après la guerre. Il était partisan dans cette région-ci. Et donc, j'écoutais chanter cette chanson par mon père. Je me rappelle très bien. Et quelquefois, il a rencontré ses vieux compagnons de lutte contre les Allemands, les nazistes. Et j'écoutais lui chanter cette chanson avec cette personne-là. Donc, c'était aussi pour moi très curieux de connaître de quoi s'agit-il. Oh, bella ciao, bella ciao. Questa è la canzone del partigiano. Che una mattina si è svegliato e ha visto l'invasore. Ah, Pagnatna. Oui, Pagnatna, da. E après, je suis parti pour la Russie comme prêtre. Et un soir, c'était le 9 de mai. Vous savez que chaque année en Russie, les personnes fêtent la victoire contre les Allemands, les nazistes, chaque année. Et là, vraiment, c'est une grande fête. Parce qu'ils ont beaucoup souffert à cause des nazistes. J'étais invité et regardez, j'étais dans ma paroisse et les vieux vétérans de la guerre ont commencé à chanter en russe cette chanson. Donc c'était pas une merveille. Et je demandais, mais pourquoi, mais père, pourquoi c'est une chanson que nous connaissons très bien, mais n'est pas d'origine italienne, nous ne savons pas, mais en tout cas, on a beaucoup chanté cette chanson ici, en russe. Je me peux demander, une personne m'a donné une explication, je ne sais pas si c'est vrai ou non, il a dit que peut-être la mélodie est slave, typique, et que peut-être les Italiens de l'armée qui est parti pour la Russie au temps de Mussolini. Vous savez que 200 000 Italiens sont partis pour lutter contre les Russes à côté des Allemands. Donc peut-être des Italiens ont porté en Italie, de la Russie en Italie, peut-être la mélodie et aussi les paroles. Mais on dit Bella Ciao. Oui. En russe, Priviet Daragoi Mayei. Priviet Daragoi Mayei. Ciao, bella, ciao a te, bella mia. Priviet Tibie Daragoi Mayei. Oh, bella ciao, oh, bella ciao. Et ça значит. Priviet va, priviet Tibie Daragoi Mayei. Priviet Tibie Daragoi Mayei. Priviet Tibie, priviet Tibie, priviet Tibie, Tibie, Tibie. Prévete bien, te regagne, patamusta ya, ou videl si botna, maïevo braga. Prévete bien, prévete bien, maïe liubimoi, patamusta ya si botna, ou videl, maïevo braga. Prévete bien, prévete bien. C'est tout. Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare la lotta rimessa contro la soverchiante potenza avversaria. Je n'ai pas de parents partisans, je ne suis pas d'origine italienne, je n'ai pas d'oppresseur visible pour le moment. Et c'est ce voyage qui m'a amenée jusqu'ici, jusqu'à vous. C'est elle qui me transporte, c'est plus fort que moi. Oui, je comprends très bien, parce qu'elle m'a transportée moi aussi pour toute, disons que celle sur le Bella Ciao que nous sommes partis tous. Giovanna Marini, chanteuse en tournée à Genève. À faire des spectacles, moi, à avoir la stimulation finalement de composer et d'écrire. Donc le Bella Ciao a eu une force énorme pour moi. Et j'ai la sensation que cette chanson, Bella Ciao, nous a transportés dans un long voyage comme ça. C'est elle qui nous a tirés. On a rencontré des gens de tous bords, des partisans, des mondines, des pères franciscains qui chantaient la chanson en russe. Et puis voilà, j'arrive chez vous, Giovanna Marini, qui est une chanteuse. Donc, vous, votre métier, c'est de chanter. Je suis chanteuse, c'est vrai, mais je suis aussi musicienne, c'est-à-dire que je compose beaucoup de chants que nous chantons. Et je suis chercheuse. Et il s'est passé en 1960 que j'ai connu des gens de Milan, très intéressants. Je sortais du conservatoire, donc je n'avais aucune pratique avec les musiques autres que classiques. Et ces gens de Milan faisaient une édition, avaient une maison d'édition qui était pour les livres, simplement pour les livres, mais qui commençait à devenir musicale parce que tous les actes des ouvriers qu'ils avaient enregistrés et des paysans étaient chantés. Ils se sont trouvés vis-à-vis d'une montagne de bandes magnétiques toutes musicales, toutes chantées. Ils ont dit, comment est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas de musicien ici pour décrypter tout ça, pour nous dire quelle sorte de musique c'est. Ce qu'on comprenait, c'était que c'était une musique différente par rapport à la musique classique, qu'il y avait des règles, des codes, et qu'il fallait les découvrir. Donc, ils ont appelé un grand musicien, Carpitella, Diego, qui a commencé le travail de décryptation, qui s'est passionné beaucoup et qui est devenu le plus grand ethnomusicologue. L'ethnomusicologie n'était pas encore née. La mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, alla mattina. Et puis j'ai rencontré Giovanna Daffini. Giovanna Daffini a été un personnage extraordinaire. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 54 ans. Elle est morte le 7 juillet de 1969. Je l'ai rencontrée en 63. Dans ces 6 années, j'ai appris tout ce que je pouvais savoir. Et les zanzare, oh bella ciao, ciao, ciao, ciao, e fra gli insetti. Avec elle et avec Diego Carpitella, le musicien, je pense d'avoir appris tout ce qui est à la base de ce qu'il faut savoir pour faire ce métier. Et nous, inclinés, en train de travailler. Je te prie chaque jour, mais un jour viendra où nous toutes, oh bella ciao, mais un jour viendra où nous toutes, nous travaillerons en liberté. Elle était mondine, mais elle tenait beaucoup à dire, avant tout, je suis conteuse d'histoire, chanteuse, parce que chez nous, le conteur d'histoire est toujours un chanteur. Et donc, elle parcourait les rues des villes avec son père et son frère, en jouant, elle, la guitare et chantant. Son frère jouait l'accordéon et son père le violon. Et ils chantaient, c'était des colporteurs, et ils avaient une dignité extraordinaire. Puis, la guerre est venue, et elle a dû quitter ce métier, les gens ne lui donnaient plus d'argent. Elle a couru, elle était jeune, à la lisière, et faire la femme, la mondina. Là, elle a appris tous les chants de mondine avec une intelligence que les autres chanteuses, les autres mondines n'avaient pas. Parce qu'elle faisait le métier, ça. Donc c'est comme si une musicienne fait la mondine. Évidemment, elle apprend avec un œil critique, un oreille qui capte, qui prend les choses intéressantes. Et donc, elle a commencé à écrire tous les textes des chansons. Elle ne connaissait pas la musique, mais elle jouait bien la guitare. Son la mondina, son la sfruttata, son proletaria che jamais tremo. Mi hanno... Non ho più la voce. Ce l'avevo nuovo. Mi hanno ucciso, incatenata, carcere e violenza, niente. Non ho più la voce, non canto più, non sono più allenata. Una volta cantava. E donc, elle a pu nous raconter ses chants. Premier entre tous, le Bella Ciao, qui était un chant de mondine, de femme de lisière, pas un chant de guerre, et qui venait d'une antique ballade de on dit du Moyen-Âge, ballade très vieille, qui parle d'un tombeau, je mettrai mon amour dans un tombeau, nous placerons une fleur sur le tombeau et tous les gens qui passeront diront quelle belle fleur. Et ces textes réapparaissent dans tous les Bella Ciao qui existent maintenant et dans beaucoup de chants. Mais là, le fiancé n'était pas mort pour la guerre? Pas du tout, non. C'était un fiancé mort pour amour. Et en fait, peut-être qu'il y a aussi, parce qu'elle dit, nous nous placerons dans le tombeau à trois, toi, mon bébé et moi. Donc il y a une histoire d'honneur qui a été, violée par l'homme, la fille. Le déshonneur, donc le bébé, tout ça. C'est une vieille ballade. Museo del Segno à Alfonsine, Émilie Romagne. Avec Annunciata Bragonzoni, Maria Gramantiere, et Luigi Patuelli. Je pensais à madame qui a été Mandine. J'aurais voulu connaître sa journée de travail puisque ça a engendré des chansons vraiment de lutte et qui semblaient dire que ce travail était très dur. Com'era una sua giornata di lavoro? Perché ha sentito delle canzoni di Mandine che parlano di una vita durissima. Sì, sempre nell'acqua, 8 ore nell'acqua, levare l'erba, delle piante e del riso, bisogna levare l'erba. Cattive, e poi dopo si tornava a casa, così si cantava per fare il tempo, se no era troppo lungo stare nell'acqua 8 ore nell'acqua, perché... E là di che erano restate 8 ore dans l'eau, pour enlever les mauvaises herbes dans les riz, c'était très dur, et on chantait parce que c'était dur. Cantavamo così, però per lavorare, perché qua in modo c'era quelle che... girava che il livello chef de qui contrôlait beaucoup. Mm-hmm. On chantait un peu, après on pas trop chanté. Pas trop chanté, on faisait du silence, on continuait à travailler. Dans le film de Giuseppe De Santis en 1949, avec Silvana Mangano et Vittorio Gassman, les Mondine travaillent sous la pluie pour ne pas perdre un jour de salaire. L'une d'elles fait une fausse couche. La Gabriella vous fait dire qu'elle est toute ensanglantée. Nous allons l'étendre comme sur un lit, au bord des marais. La Gabriella a bien du malheur. Il l'a laissée avec le mal d'amour. Nous la soutenons de bras en bras dans sa peine inconsolable. Elle est tombée comme une fleur arrachée. Et il y avait des choses extrêmement simples. Et noi faremo come la Russia, elle disait simplement. Et elle chantonnait. Et noi faremo come la Russia, et noi faremo come la Russia. Et ça faisait trembler naturellement tous les propriétaires, puisqu'il y avait eu la révolution en 17 en Russie. Et qu'elle disait, on fera comme en Russie, on fera comme en Russie. Eh bien, il suffisait de chantonner ça. Hein. C'est la chanson qui sourd, oui, qui monte. C'est ça. Fretta e furia le clandestine incominciano ad andare. Così fanno le traditore. Si fanno dei pezzi. Una ce la faceva anche lei, uno da solo. C'est più caratteristiche. C'est des chansons très courtes et on peut même, c'est plus facile d'improviser, chacun peut chanter son morceau. Allora questa diceva una cosa, l'altra gli rispondeva anche a parole un po' grasse, diciamo così. Per passare il tempo, perché era brutto. È che è peccato che queste donne si sono finite. Tutte le cose, però quelle sono ancora più brutte. 8 ore nell'acqua. Però per ridere così. 8 ore nell'acqua. Si parlava d'amore, ora uno diceva che l'altro aveva fatto questo, dopo gli rispondevano cantando. Se no, il tempo non passava mica. C'était des paroles vulgaires. Oui. Comme des petites histoires, des petites chansons comiques. On s'est moqué chacun de l'autre. Il y avait un groupe qui répondait à l'autre. On improvisait. Non pensate quelle! Mettetevi al passo! Caporale, troppo gridate, il lavoro sappiamo fa. Le crumire devi badà. Le crumire, le crumire, le crumire devi badà. Non dar retta, forza! Silenzio! Elaborate più in fretta! J'ai trouvé des choses constamment vivantes, c'est ça ce qui m'a intéressé le plus. Et des voix et des modes de musique d'avant-garde pour moi. Je n'avais jamais entendu pousser ces voix ça, comme ça. Tandis que là, il y avait des voix qui résonnaient en poitrine, qui résonnaient dans les pommettes, qui semblaient sortir par les oreilles, qui étaient faites vraiment en dépit de toutes les règles de bonne éducation vocale, mais qui sonnait beaucoup plus proche à moi que les voix que je connaissais. Qui sortait par les oreilles, j'aime bien cette expression, mais... la voix qui sort par les oreilles. Et alors, finalement, ils m'ont fait connaître les porteurs, on les appelait comme ça, c'est-à-dire les authentiques, les originels, les gens qui chantaient. Alors, les porteurs, qui portent le chant. Qui portent le chant. On les appelait porteurs de culture, tout le monde riait sur nous. Ils faisaient aussi des émissions à la radio dans les années 60 en teasing us, comment est-ce que ça se dit, en nous plaisantant sur nous parce que nous allions chercher, nous embêtions tout le monde avec ce chant et avec cette voix nasillarde. Avanti popolo, che siamo in tanti, brulla avanti, brulla avanti. Avanti popolo, che siamo in tanti, brulla avanti, passo il corriere. Cesare Bermani semblait me dire que la chanson Bella Ciao des Partisans ne venait pas de voilà. La chanson des Mondini. Il sait très bien que c'est. J'allais maintenant vous raconter ça, que c'est un faux. C'est-à-dire, dans les chants de tradition orale, c'est plein de faux, qui ne sont pas des vrais faux, c'est des vrais. Par exemple, moi aussi j'ai écrit des chants qui sont devenus des chants de tradition orale. On ne sait plus que c'est moi qui les a composés. Par exemple, Addio Addio Amore qui est dans le disque Bella Ciao. Le premier chant. Addio Addio Amore, casque si coglie, la live casque l'albero le foglie. Ça, c'est moi qui l'a composé. Mais il est entré dans la mémoire des gens et c'est devenu un chant populaire. Maintenant, je ne dis plus. Vous. Mais oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ça me fait plaisir d'ailleurs, si ce n'était pour les droits d'auteur qui n'arrivent pas parce que c'est considéré chant populaire. Les musiques circulent, ça c'est évident. Moi aussi je pense d'avoir composé quelque chose, tout d'un coup je me dis, mais j'ai déjà entendu. Quand on fait un chant populaire, on plonge, si on veut faire un vrai chant populaire, dans des circuits mélodiques qui ne sont pas très contrôlables. Parce que ils tournent, c'est comme les récits, on prend des images et des histoires qui peut-être figurent aussi dans d'autres récits. Parce que à la mattina, la la la la la, c'est très facile, n'est-ce pas? C'est un thème en mineur qui commence par une carte et puis à deux notes à la suite. Ta ta ta ta, c'est très facile, très facile. Facilement, je ne serais pas surprise du tout. Hein. C'est le début d'un tas de chansons, disons la vérité. Oui, j'aime aussi l'idée que les pensées... sont dans l'air et que, par exemple, les inventeurs inventent le téléphone à peu près au même moment dans des endroits différents. Oui, parce que, je vous dis, moi qui écris la musique, je vous dis, on ne invente pas, on choisit, à mon avis. On passe le temps à choisir, entre des notes à choisir. C'est difficile d'inventer. Va piano piano, partigiano, scendi a valle con precauzione. Il y avait en Italie des espèces de trouvières, troubadours, qui allaient chanter avec des feuilles qu'on vendait à... oui, les parties, non pas les partitions, les mots. Parce qu'en Italie, il n'y a jamais eu une culture musical. Enfin, ça se transmettait oralement. Oralement. Parce que quand même, en Italie, on chante oui, beaucoup. Oui, on chante beaucoup. Virginie, on chantait, oui, ça, oui. N'importe qui chante. On chante beaucoup, mais on ne connaît pas la musique. C'est ça. Peut-être que ce n'est pas tout mal. Se voi volete bene, dovete voi morir, morir, soffrir, dovete voi fascisti, questa è l'ultima vostra ora. Dalle mani del partigiano è difficile scappare, dalle mani del partigiano è difficile scappare. Bella Ciao n'a pas une couleur politique bien déterminée, c'est un chant où l'on résiste. On résiste avec quelle couleur? Alors, un chant où on résiste, je ne dirais pas forcément ça. C'est un chant où on meurt. Anne Morelli, historienne, Bruxelles. Oui, oui, il y a, mais c'est un chant terrible parce qu'en fait, c'est un jeune qui perd la vie pour une cause. Et là, ça me pose beaucoup de questions aujourd'hui parce que ça peut être le jeune palestinien aussi. Et les résistants, ils étaient les armes à la main. Hein. Ça ne va pas tellement. On essaie d'un petit peu aseptiser cet aspect-là, mais c'est la résistance, c'était quelque chose de violent. Et on fait éventuellement pas le détail. Mais il y a la fleur qui témoigne. Il faut y faire attention. Il faut pas oublier. C'est vraiment souvenez-vous de moi et continuez après moi. Oui, bien sûr. Ça c'est la symbolique de la renaissance, du combat, de ces cendres vont renaître, d'autres révoltes, etc. D'autres résistances. Mais enfin, c'est une histoire plus que de combat. C'est une histoire de fin de vie, de tragédie, de quelqu'un qui meurt. Et l'ennemi est arrivé et il meurt. Mais évidemment, il y a cette image positive à la fin. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Et quand la guerre s'arrête et que l'ennemi est parti, le partisan il devient quoi? Si trattava di ricostruire, fu fatto un ordine di smobilitazione della brigata con l'invito a ognuno a tornare alle proprie attività e darsi da fare per ricostruire il paese. On a reçu le 20 mai un ordre qui disait bon, la guerra è finita, le brigate des partisans doit reconsigner les armes, doit arrêter de la guerre, mais il y avait une invitation officielle à rentrer dans leur pays à aider la reconstruction. Et ici Alfonsine c'était complètement détruite par les bombes. 75% delle case distrutte. Les 75% des maisons étaient détruites ici. Alors, ils ont tous recommencé à travailler pour reconstruire. Ha partecipato tutta la popolazione, a parte insomma sì, loro. Sì, sì. Avevamo sto comitato e poi dopo c'era creato un'amministrazione anche, ma hanno contribuito tutti, Tutte le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che belli più. Invece bella ciao poi è stata quella che è di tutti, ecco. Bella ciao, bella ciao. Tutto il mondo. Tutto il mondo chante ça. Elle c'est la seule, c'est la seule qui è di tutto il mondo. Partigiano, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et finalement, ce qui m'a frappé, j'ai sillonné un peu partout en Europe, c'est qu'à la fin de manifestations, même folkloriques, pas simplement de lutte, on chantait tous et partout. À Bella Ciao, de l'Écosse à l'Espagne, à la Grèce, on chantait Bella Ciao. Effectivement, c'était devenu une espèce de refrain collectif que tout le monde connaissait, donc qui faisait groupe, qui faisait lien entre des appartenances linguistiques et idéologiques très très différentes. C'est devenu une espèce de d'hymne de la résistance, de la lutte, de la convivialité. La Claudia farà francese? Non lo so, la Becci lo fa francese. We shall overcome. Connaissez pas? We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Nous nous sommes tous rassemblés. Il y avait un millier de gens, de public. C'était assez nombreux. Et il y avait aussi des Américains avec nous, parce que nous avons une liaison américaine. Il y a Sandro Portelli qui est allé beaucoup en Amérique. C'est un autre de nos chercheurs. Et moi aussi, j'ai été beaucoup en Amérique. Donc, on a connu ensemble Pete Seeger. Donc, on avait des Américains avec nous. Et nous nous sommes unis tous sur deux chansons. Et j'ai vu que tout le monde les savait, même les porteurs Pouillet de Pouille, qui sont loin, qui sont renfermés dans leur petit monde, qui ne savent d'habitude pas ces choses. Et c'était Bella Ciao et We Shall Overcome. Les deux chants ont été les chants chantés vraiment par tous. On a appris à chanter aussi le chant du Front Populaire Chilien. On a appris à chanter le chant qui a déclenché la révolution des œillets au Portugal. Et donc, il y a ainsi, sur le terrain, vraiment, une internationalisation du répertoire des chants de lutte qui s'est fait véritablement dans les manifestations. On a appris, c'est pas en écoutant un disque qu'on l'a apprise, mais on l'a apprise dans les manifestations. Questa è una canzone che è nata in un momento storico particolare che che gli stati europei sopprimevano in una maniera quasi animalesca l'individuo. Quindi è nata con parole semplici, in un momento così di ribellione, ma è una ribellione che anche nel tempo a venire, se ci sono delle condizioni tali, si ritroveranno i giovani a cantarla. Il faut rappeler que cette chanson elle est née dans une période peut-être la plus grave des souffrances de l'humanité, où il y avait un danger dans la liberté, même dans la vie, dans les conditions de vie des hommes qu'on n'avait jamais entendu dans la vie de l'homme. Alors c'est la réponse, même émotionnelle, c'est la réponse d'énergie à cette période-là. Alors on la chante pour ne pas oublier cette chose-là, mais il pense que dans des versions rock ou d'autres versions, et même dans les prochains futurs, on pourra la chanter toutes les fois qu'il y a cette danger, que la liberté de l'individu va être touchée, sa dignité, sa propriété de vivre. Et il pense que, par exemple, si aujourd'hui on parle de guerre à l'Irak, si on pense que ça c'est quelque chose qui est contre l'humanité de faire une guerre pour cette raison-là, alors il faudra chanter la chanson pour déclarer qu'on n'est pas d'accord contre cette guerre. La merda, couleur de l'herbe, na bella merda, na bella merda, bandiera verda, couleur de l'herbe, bandiera verda, in bocca ai sciur, bandiera rossa la trionfera. Questo dimostra, questa canzone le varie correnti. È stata anche utilizzata per fare dell'ironia sul verde, avec le gouvernement et la tendance de l'Italie vers la droite. Maintenant, les mouvements fascistes qui étaient cachés sont sortis. Et on ne peut pas faire rien comme au niveau de loi, mais chaque jour, des gens s'organisent, il y a une garde d'honneur qui vient partout de l'Italie, 24 heures sur 24. Des jeunes qui viennent là, ils s'organisent, ils font du camping ou dans un hôtel. Et il a comme un vêtement, un manteau noir, un chapeau noir, et il monte la garde d'honneur. Dans le village de Natal. Oui, devant son sépulcre, son tombeau. Et il y a aussi le jour de l'anniversaire de sa naissance. Il y a une manifestation, il y a beaucoup, milliers de gens qui viennent pour fêter ça. Et la chose a créé comme une ambiance de foire touristique. Il y a des magasins spécialisés ou des kiosques où on vend de poignards, de maillots, des tasses avec le profil du Dux. Mais c'est pas comme en Allemagne où on peut pas vendre des effigies d'Hitler et des uniformes. Non. Ici on peut. On peut. Couleur de l'herbe, na bella merda, na bella merda, bandiera verda, couleur de l'herbe, bandiera verda, in bocca ai fior. C'est un peu comme, si vous voulez, une honte que dans une région qui a été où on a fondé les caisses mutuelles des ouvriers à la fin du 19e siècle a été fondée ici à Imola, où il y a eu, aujourd'hui vous allez voir, je vous montrerai un endroit où il y avait une société coopérative de travailleurs qui ont tous ont fondé les théâtres de cette région. La plupart des théâtres, pas comme on dit, de cette région, ont été fondés par des sociétés coopératives mutuelles. Et après, ils ont passé ça aux municipalités. C'était que, surtout après la Première Guerre mondiale, on pensait que c'était un devoir de cette association de qualifier la vie culturelle de ses membres. Alors, on montait des théâtres de 400, 500 places. Et après, après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont devenus des municipalités. Alors, c'est un peu comme un honte qu'on a donné naissance, pas au départ qu'on a donné naissance, mais surtout maintenant qu'on doit accueillir cette manifestation et qu'on ne peut rien faire parce que la loi n'empêche pas en Italie de faire ça. Mais on a un peu une honte collective, disons. C'est la faute à qui, cette mémoire qui ne s'entretient pas? Secondo voi, perché è successo un po' questo, che la memoria o le scuole non... Non hanno parlato forse di questo. Ci abbiamo dato un po' di corda. Evidentemente un disegno politico. L'insegno politico è stato. Il Pasquiliani. Un progetto politico. Una banda di dubbi? Sì, sì. Di non ricordare. Di non ricordare, di dimenticare. On essaie d'oublier la mémoire, par exemple, maintenant en Italie, on veut dédier des places à Italo Balbo qui a été un grand. Du pouvoir fasciste et qui a sur lui pas seulement le fait qu'il était un grand conducteur d'avion qui a fait l'Europe aux Amériques, il n'y a pas seulement ce côté héroïque, mais il est responsable des rafles et des choses. Alors il a dit, mais pourquoi moi j'ai fait, la guerre quand je vais là, je vois des camarades qui sont morts, qui avaient 18 ans. Il pouvait s'enfuir, il ne pouvait pas faire ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour ça que je continue à enseigner le champ politique. Parce qu'il y a une perte de mémoire. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est fait? Le consommisme, la consommation. Parce que nos pensées sont liées aux objets. Et si on change de maison tous les 3 ans, si on change de voiture tous les 6 mois, si on jette constamment, vraiment, on perd avec ça la mémoire. Les idées et les mémoires sont liées aux objets. Les objets ont seulement cette valeur-là, ils n'ont aucune valeur de richesse comme richesse. Je m'en fous qu'un tableau soit d'une grande valeur si je ne peux pas le garder sur le mur. Ce qui m'importe, c'est un tableau que, en regardant, me donne toute une histoire. Et j'ai besoin de ce tableau à ce point-là. Mais s'il n'a pas d'histoire, je m'en fous. Io credo che la canzone popolare viva un momento di crisi in questo periodo. Lui sa meglio di me che in ogni periodo della storia, nel dopoguerra, quando accadevano degli avvenimenti importanti come la strage di Stato, comme les stragi populaire, parce qu'il dit chaque fois que dans notre pays ou en Europe on a eu un événement grave, la chanson populaire et politique a donné une réponse, a créé de nouvelles chansons, a créé des choses. Il lui semble que maintenant la chanson populaire, comment dire, c'est un peu en crise. Et il a demandé si, quelles sont. Et pourtant, en ce moment, il y aurait des raisons. Pourtant, à ce moment, il y aurait des raisons pour renouveler la chanson politique et populaire. Est-ce que vous croyez qu'une telle chanson pourrait naître aujourd'hui ? Elle est née dans des circonstances bien précises. Est-ce qu'une telle chanson pourrait renaître une autre qui aurait cette force, cette puissance de ralliement ? Les circonstances ont bien changé. Il y a un individualisme, je dis de banalité des choses que tout le monde dit, un individualisme qui fait en sorte que chacun essaye de s'en sortir seul de ses difficultés. Et les chorales, les hymnes sont des opérations collectives. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore capable d'opérations collectives ? C'est tout le problème. Peut-être pas aujourd'hui, mais qui sait demain. Il suffirait qu'on ait vraiment une émotion collective forte. À mon avis, et douloureuse. Ce serait encore possible. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui se développe et que pour le moment les gens ne considèrent pas assez, qui est le mouvement le No Global Forum. C'est le mouvement qui amène 3 millions de gens dans les rues à Rome. Et comme Moretti, vous connaissez, fait comme ça avec ses doigts, tout le monde court. Et même des inconnus, des privés, téléphonent partout en disant « Demain, on se voit autour du palais de la justice pour être contre cette attaque insensée de Berlusconi à la justice parce que Berlusconi devrait être en prison et la clé devrait être jetée et perdue, la clé de sa cellule. » Et il le sait très bien, et donc il attaque la justice pour ne pas tomber dans ses pattes. Et donc nous, on soutient la justice, on dit, bon, espérons qu'il y ait au moins un millier de personnes, et il y a 30 000, 40 000 personnes immédiatement. Quand on vit une vie molle, de mollesse, comme nous avons vécu jusqu'à maintenant, il n'y a pas besoin de sortir l'énergie. Mais j'ai vu que dans des moments de besoin, ils sont imprévisibles. Et je pense que pendant la guerre, je me souviens très bien, j'avais 6 ans en 1943, donc je me souviens bien. Et il y avait des réunions autour de ma tante, qui était une partisane active, elle aussi, chez nous. Et c'était des gens que, une fois terminée la guerre, sont rentrés petit à petit dans un état de parasitisme et de mollesse impressionnant. Et je me disais, mais celui-là était celui qui courait faire le messager entre les groupes, qui passait les lignes, qui risquait sa vie 4 fois par jour. C'est pas possible, mais c'est un lardon. Et ma tante riait et disait, tu n'as pas l'idée de ce qu'on peut faire. J'ai un autre ami, Bruno Trentin, qui est encore vivant, qui a été le chef de toute la syndicat de gauche italien pour longtemps, qui me racontait qu'un ami à lui, ils étaient partisans ensemble, avait été pris par les Allemands, mené contre un mur, pendant que ces deux nazis qui marchaient en arrière, lui tournant le dos, pour se retourner un peu plus loin et lui tirer contre, le fusiller, lui, il est monté sur le mur et il a disparu de l'autre côté du mur. Et avec sa famille, toutes les années, il allait là voir le mur et se demander, mais comment jamais j'ai pu monter le long de ce mur, comment je fais à m'accrocher Incapable de le refaire. Incapable, absolument incapable. Il dit, mais qui est-ce que c'est un ange qui a sorti un gru, qui m'a lancé quelque chose, qui m'a apporté de l'autre côté. Et je pense que ce qui se passe maintenant, c'est que l'intellect des Italiens, par exemple, est de nouveau mis sous effort. Parce que d'avoir un président de l'État qui se déclare voleur, parce qu'il le dit, qu'il a évadé toujours le fisc pour ne pas payer, il a fait tout ce qu'il a fait pour ne pas payer les impôts. Et qu'il a donc les sociétés aux Bahamas, les sociétés en Suisse, et donc il a fait une loi pour que ce soit régulier. Un type comme ça nous met sous une sorte d'effort psychique pour dire comment faire pour se débarrasser de cet homme. On ne peut pas garder un exemple tel pour nos enfants. On leur a enseigné toute autre chose. On ne peut pas, on ne peut pas. Et donc, je vois que des milliers de gens ont réagi comme ça et sont prêts à faire n'importe quoi. Des gens que je n'aurais pas du tout évalués à ce propos comme adaptes. La mattina appena alzate bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, alla mattina appena alzate. Merci à Sergio Diotti, sans qui ce voyage n'aurait pas eu la même profondeur. Merci à Gianluigi Melandri, conservateur du Museo del Segno a Alfonsine, Annunciata Bragonzoni, Maria Gramontiere, Luigi Patuelli, Enrico Musiani, Gianluigi Tartol, Nino Ruiba, Giovanni Marchetti, Rocco Pellegrini, Giovanni Zanoni, Domenico Gavella et son pick-up gris, Anne Morelli, Bruno Ducoli, Silvana Panziera, Roberto Pozzo, merci au Padre Fiorenzo, à Cesare Bermani, merci aussi à Eric D'Agostino, Laurent Grolus et Christian Pirlet, avec le soutien de la communauté française de Belgique. Oh mamma mia, oh che tormento. Bella ciao, ciao, ciao, oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ma verrà il giorno. Tutte quante oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, verrà il giorno che tutte quante lors des dernières élections en France, Bella Ciao est à nouveau descendue dans la rue en réaction aux menaces extrémistes. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Michele Santoro, journaliste, limogé par Berlusconi, a chanté Bella Ciao en 2002, en ouverture de son programme sur Rai 3. Tu mi devi seppellir. Un jour, si on n'y prend pas garde, des émissions comme celle-ci ne pourront plus se faire entendre. Le chemin de la mémoire se perdra. Y aura-t-il une chanson pour nous sortir de la nuit ? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del Alors, je vais vous lire une déclaration d'Alfredo Cospito lors de l'audience en appel pour les mesures de contrôle judiciaire dans l'opération Sibylla. Tout d'abord, je voulais commencer par une citation de mon instigateur. Notre système juridique a introduit cette figure d'isolement mortuaire qu'est le 41 bis et qui, sous certains aspects, est encore plus invincible que cette mutilation pharmacologique. Tout ça pour dire que notre système ne brille pas par sa civilité. Carlo Nordio, 28 mars 2019. Voilà l'instigateur de la lutte que j'ai commencée. Je n'aurais jamais pensé arriver à ce point. J'ai toujours trouvé le mélodrame ridicule. J'aime davantage la comédie, mais c'est ainsi. Après tout, ne sommes-nous pas le pays du mélodrame? Il faut donc finir en beauté. Si j'y pense, il y a cependant quelque chose d'ironique. Dans l'Occident du progrès démocratique, je suis le seul couillon qui meurt, car on l'empêche de lire et d'étudier ce qu'il veut, des journaux anarchistes, des revues historiques et scientifiques, sans oublier les bandes dessinées que j'aime tant. Vous reconnaîtrez que la chose est paradoxale et aussi un peu drôle. Je n'arrive pas à vivre ainsi. Je n'y arrive vraiment pas. Et j'espère que ceux qui m'aiment me comprennent. Je n'arrive pas à me plier devant cette non-vie. C'est plus fort que moi, peut-être parce que je suis un anarchiste têtu des abruses. Je ne suis bien sûr pas un martyr. Les martyrs me procurent un certain dégoût. Oui, je suis un terroriste. J'ai tiré sur un homme et j'ai revendiqué avec orgueil ce geste, même si, laissez-moi le dire, cette définition fait un peu rire dans la bouche des représentants d'État ayant sur la conscience des guerres et des millions de morts et qui parfois, comme l'un de nos ministres, s'enrichissent avec le commerce d'armes. Mais que voulez-vous? Ainsi va le monde. Du moins tant que l'anarchie n'aura pas triomphé et que le vrai socialisme, celui anti-autoritaire et anti-étatique, verra finalement la lumière. Ce n'est pas demain la veille, direz-vous. Et moi aussi, pour l'instant, les seules lueurs de lumière que je vois, ce sont les gestes de rébellion de mes frères et de mes sœurs, révolutionnaires partout dans le monde. Et ce n'est vraiment pas rien, car ils sont menés avec le cœur, la passion, le courage, bien qu'ils puissent sembler chétifs et farfelus. Cela dit, je voulais expliquer le sens de mon acharnement contre le régime 41 bis. Je pense que quelques juristes l'ont plus ou moins perçu, mais ils sont très peu à l'avoir véritablement compris. Le 41 bis est une métastase qui risque de menacer l'état de droit. Et de fait, il est déjà en train de le faire. Un cancer qui, dans une démocratie un brin plus totalitaire, et avec le gouvernement Meloni nous y sommes presque, pourra être utilisé pour réprimer, faire taire par la terreur toute forme de dissidence politique, toutes sortes d'extrémistes hypothétiques. Le tribunal qui décide de la condamnation à la muselière moyenâgeuse du 41 bis ressemble énormément au tribunal spécial fasciste, les dynamiques sont identiques. Je pourrais sortir de ce cercle dantesque uniquement si je reniais mon credo politique, mon anarchisme, seulement si je livrais quelques compagnons ou compagnonnes. On commence toujours par les Roms, les communistes, les radicaux, les voyous, les subversives, et puis par les gauches plus ou moins révolutionnaires. Comment aurais-je pu ne pas m'opposer à tout cela? Certes d'une manière désespérée, et pour un anarchiste, justement parce que nous n'avons pas une organisation, la parole donnée est tout. Voilà pourquoi j'irai jusqu'au bout. Pour conclure, comme l'a dit, si je me souviens bien, l'anarchiste Émile Henry avant qu'on ne lui tranche la tête, quand le spectacle ne me plaira plus, j'aurai aussi le droit de le quitter et sortir en claquant la porte. Voilà ce que je ferai dans les prochains jours. J'espère avec dignité et sérénité autant que possible. Une grande accolade à Domenico qui, dans le 41 bis de Sassari, a commencé la grève de la faim dans l'espoir de pouvoir à nouveau embrasser ses enfants et ses proches, nourrissant mon grand espoir que d'autres damnés du 41 bis brisent la résignation et rejoignent la lutte contre ce régime qui fait de la Constitution et du soi-disant, pour ce qu'il vaut, état de droit, un vieux papier. Abolition du régime du 41 bis, abolition de la perpétuité incompressible, solidarité avec tous les prisonniers anarchistes, communistes et révolutionnaires dans le monde, merci aux frères et aux sœurs pour tout ce que vous avez fait, je vous aime et pardonnez mon obstination illogique, jamais à genoux, toujours pour l'anarchie. Vive la vie, à bas la mort, Alfredo Cospito. Quando saremo a Reggio Emilia, al memoro alzare in piazza, bella mia sei arrivata, bella mia sei arrivata, quando saremo a Reggio Emilia. Voilà l'agenda. Alors, donc jeudi 39 mars 2023, de 18h à 21h30, à la Zinneke, 13 place Masby à 1000 Bruxelles. Donc, à l'occasion de l'édition printanière 2023 dans les locaux de la Zinneke Parade à Bruxelles, le GT Genre du Musée du Capitalisme vous propose une visite thématique sur la place des femmes dans le système capitaliste. La visite sera suivie par une conférence gesticulée « Cendrillon fait grève » par Karima. Les thématiques abordées par la visite « Femmes et capitalistes » et « Cendrillon fait grève » se répondent. Un contenu permettant au public de mieux identifier les enjeux liés au genre dans notre société. Alors, le jeudi 30 mars 2023, de 18h à 20h30, au local... local chez nous, chaussée de Montigny, 293 à 60-60 Gilly. Alors, le Front antifasciste de Liège, la coalition antifasciste de Charleroi, le collectif antifasciste de Namur, rejoint par d'autres collectifs et associations partenaires, organise une concentration antifasciste le jeudi 30 mars pour empêcher le meeting de chez nous du Rassemblement national, du Vlaams Belang et du groupe FEMO nationaliste Némésis. Un départ collectif en train est proposé à partir de Liège. Rendez-vous donc à 16h devant les Guillemins pour le train de 16h24. Alors le jeudi 30 mars de 19h à 22h à Bruxelles Laïque, avenue Stalingrad 18-20, 1000 Bruxelles. Il y aura une rencontre autour du livre de Charles Wade Mills qui s'appelle « Le contrat racial ». avec Rodney Saint-Éloi et Norman Ajari. Qu'est-ce qui explique la persistance et l'ubiquité du racisme dans les sociétés occidentales contemporaines, réputées libres et démocratiques ? Comment se fait-il que des États qui se veulent fondés sur des principes universels de justice tolèrent, voire organisent l'oppression des minorités ethniques et raciales ? Pourquoi ces dernières se trouvent-elles systématiquement désavantagées en termes de distribution des richesses, des opportunités et de qualité de vie ? Alors c'est entrée libre et sur réservation. Alors je voulais vous dire également que René Saint-Éloi s'arrêtera également donc le samedi 1er avril 2023 de 18h à 22h à la librairie Pépite Blues, rue Anoul 30, à Bruxelles, le temps d'une rencontre pour fêter les 20 ans des éditions Mémoire d'Encrier. Il vous racontera entre autres les auteurs de la maison, les livres nécessaires, dont un en particulier qui s'appelle « Le contrat racial », donc le livre événement des 20 ans des Mémoires d'Encrier, jamais publié en français jusque-là. Donc c'est un essai qui fait du bien et du bruit. Alors le jeudi 30 mars également, de 19h30 à 22h au Mundo B, 26 rue d'Édimbourg à 1000 Bruxelles, rencontre, résister pour exister. C'est une rencontre avec trois défenseurs et défenseuses de la terre au Brésil. Alors c'est gratuit et il faut s'inscrire via quinoa.be. Le vendredi 31 mars 2023, de 14h à 16h, devant le bureau du CGRA, place Victor Horta, à 1060 Saint-Gilles, il y aura un rassemblement de la communauté afghane de Belgique pour protester contre les décisions d'irrecevabilité des demandes de séjour pour les demandeurs et demandeuses d'asile afghans et afghanes. Alors vous pouvez voir en ligne sur réfugiés afghans sans papier. C'est un événement Facebook. Le vendredi 31 mars, de 19h à 22h, à la librairie Parchemin, rue Berthelot, 116 à Forêt, Lé Agari sera là pour une présentation de « Il faudra faire avec nous », un manuel de sabotage déguisé en roman, ou plutôt roman déguisé en manuel de sabotage. Le samedi 1er avril 2023, de 12h à 15h à Louvain-la-Neuve, il y aura encore un rond-point des Gilets jaunes, comme tous les premiers samedis du mois. Donc vous pouvez voir en ligne sur la page Facebook événements Gilets jaunes. Voilà. Le samedi 1er avril également, 2023, de 18h à 22h à Anvers, au Brederode Straat 2018 Anvers, il y aura une projection et une discussion. Le thème, c'est des anarchistes contre l'armée russe. Alors, c'est une projection et une discussion sur les anarchistes de Russie et de Biélorussie et qui s'opposent à l'armée russe. Lundi 3 avril 2023, de 19h30 à 23h, au Baume Café rue Plettings, numéro 7 à Bruxelles. Alors venez prendre un bon chocolat chaud, un café ou un thé ou une bière dans le chaleureux café Baume pour rencontrer les rebelles XR dans une ambiance détendue. Et alors aux XR rebelles, venez socialiser avec d'autres XR rebelles. Donc vous pouvez voir en ligne sur Extinction Rebellion Belgium. Le jeudi 6 avril 2023 de 18h à 21h30, rue Fritz Toussaint 47 XL 1050, je vous en parle déjà, c'est la présentation du livre « L'abattu ». L'État, la police et les étrangers. Alors, c'est publié aux éditions du Seuil en 2023 et c'est en présence de l'auteur Louis Vuitter. Alors, Louis Vuitter met en lumière la politique de la France en matière d'immigration à la frontière franco-britannique. Alors, la rencontre est organisée par le CASI-UO, la Voix des Sans-Papiers, la librairie Météor et Bruxelles Panthère. Enfin, tous les derniers jeudis du mois au DECA, rue du Danemark, 70B Saint-Gilles, de 18h à 21h. Le collectif de la Distrolapinothèque propose un espace mobile de diffusion de livres, brochures, fanzines, vinyles, cassettes, CD émanant de la critique radicale du capitalisme et plus largement d'une culture populaire vivante. La prochaine table aura lieu le jeudi 30 mars. Tous les lundis de 14h30 à 17h30 au Burtwinkel, 13 place Anne-Essens à Mille-Bruxelles, il y a une permanence squat à l'assaut du vide pour l'occupation subversive, sauvage et nécessaire des espaces vacants. Chaque premier lundi du mois de 17h à 19h à l'Anarchive, 101 rue Josaphat à 1030 Scarbeck, il y a une permanence d'autodéfense numérique. Alors vous pouvez voir en ligne sur http://technopolis.be et le prochain rendez-vous est le 6 avril 2023. Merci et au revoir.